Chapitre 8e. Deux semaines après avoir quitté le camp des trappeurs, nous pénétrâmes sur le territoire de l'Utah. Bien qu'avec difficulté, notre marche se poursuivit sans encombre. Nous avions encore à franchir la partie occidentale des montagnes rocheuses, qui forment tout un enchevêtrement de ramifications montagneuses appelées Wasatch Mountains. Toutefois, deux rivières, Green et Grand River, se rejoignent pour former l'immense Colorado, et leurs nombreux affluents, qui coupent les montagnes dans diverses directions, nous ouvraient facilement la route. Nous pûmes donc nous traîner par ces passages jusqu'au lac de l'Utah, à partir duquel commence la terre de sel. Une contrée étrange, monotone, mélancolique nous apparut. De vastes plaines, bornées par un amphithéâtre de rochers en cônes tronqués, se succédaient par une monotonie lassante. Ces roches et ces déserts revêtaient un caractère de rudesse, de mort, et à leur vue on pensait malgré soi au désert biblique. L'eau des lacs était salée, leurs bords dénudés, pas d'arbres. La terre, sur toute l'étendue, était couverte de terre, de potasse, parfois d'une plante grise aux feuilles épaisses, qui rompue laissait suinter un suc visqueux et salé. Chemin difficile et fatigant. Durant des semaines entières, le désert sans fin, présentant toujours la même étendue rocheuse. Dans les savanes, c'était la monotonie de la vie, ici de la mort. Nos forces s'épuisèrent de nouveau. Une morne indifférence envahit mes compagnons. Nous traversâmes l'Utah, toujours des terres mortes. Nous pénétrâmes dans la Nevada, encore et toujours des terres mortes. Le soleil chauffait nos têtes à les faire éclater de douleur. La réverbération des terres salines nous aveuglait. Dans l'atmosphère flottait une poussière venue on ne savait d'où et qui enflammait nos paupières. Les bêtes de somme appelaient à terre et tombaient d'un coup, frappées d'insolation. Beaucoup d'entre nous étaient soutenus par la seule pensée que dans une semaine ou deux, la Sierra Nevada apparaîtrait à l'horizon et derrière elle, la Californie tant désirée. Cependant, les jours s'écoulaient parmi des difficultés croissantes. Dans l'espace d'une semaine, il nous fallut abandonner 3 chariots, car nous n'avions plus rien à y atteler. Oh, cette terre de malheur! Dans la Nevada, le désert était devenu plus aride encore, et notre situation empira, car les maladies vinrent nous assaillir. Un matin, on m'annonça que Smith se sentait mal. J'allai le voir, et je pus aussitôt me convaincre que le vieux mineur était terrassé par le typhus. Le changement de température et de climat avait produit son effet. Lillian se mit à soigner Smith, qu'il aimait comme sa propre enfant, et qu'il avait béni le jour de notre mariage. Moi, faible mortel, je tremblais pour elle, mais je ne pouvais lui défendre de se montrer bonne chrétienne. Avec tante Atkins et Mrs. Grosvenor, elle passait des journées entières auprès du malade. Le lendemain, le pauvre vieux délira, et le 8e jour, il mourut dans les bras de Liliane. Je pleurai amèrement en enterrant celui qui, non seulement était mon second et mon bras droit, mais aussi un véritable père pour ma femme et pour moi. Nous espérions que Dieu n'exigerait pas une nouvelle victime. Par malheur, cela ne faisait que commencer. Le même jour, un autre émigrant mourut, puis quotidiennement, qu'un restait dans sa charrette et ne la quittait que pour descendre dans la tombe. Ainsi, nous nous traînions à travers le désert, et à notre suite, l'épidémie qui nous enlevait sans cesse de nouvelles victimes. Tante Atkins fut atteinte à son tour, mais grâce au dévouement de Liliane, elle fut bientôt sur pied. À tout instant, mon cœur se serrait, et souvent, quand Liliane se trouvait auprès des malades et moi quelque part, en avant du convoi, seul au milieu de l'obscurité, mes mains serraient ma tête et je tombais devant Dieu comme un chien soumis. J'implorais sa miséricorde pour elle, sans oser dire « que ta volonté soit faite ». Parfois, la nuit, quand nous nous trouvions ensemble, je me réveillais en sursaut. Il me semblait que le fléau soulevait la toile de ma voiture et fouillait de son regard pour y trouver Liliane. Tous ces instants, et ils étaient nombreux, où je me trouvais auprès d'elle, n'était qu'un unique et douloureux martyr. Jusqu'ici, cependant, Liliane avait supporté toutes les adversités. Les plus robustes succombaient, tandis qu'elle, amaigrie, il est vrai, pâle, les traits tirés, elle demeurait vaillante et allait d'un chariot à un autre. Je n'osais même pas l'interroger sur sa santé. Je la serrais seulement en silence contre ma poitrine. Les paroles s'étranglaient dans ma gorge. Peu à peu, l'espoir renaissait en moi, et la phrase effrayante de la Bible « Who worshipped and served the creature more than the creator » avait cessé de bourdonner à mes oreilles. nous approchons déjà de la partie occidentale de la Nevada, où, passée la série des lacs mornes, cesse la terre saline pour faire place de nouveau à la prairie unie, verte et fertile. Quand deux jours consécutifs se passaient sans que quelqu'un tombât malade, je commençais à croire que nous étions au bout de nos misères. Nous avions déjà 9 morts. 6 malades gisaient encore dans les chariots et la peur avait détruit presque toute discipline. La majeure partie des chevaux avait péri et les mules ressemblaient à des squelettes. De 52 voitures, il ne nous en restait plus que 32 qui se traînaient avec peine à travers le désert. De plus, personne ne voulant aller à la chasse, dans la crainte de tomber loin du convoi sans aucune aide, nos provisions commençaient à s'épuiser. Depuis 8 jours, nous ne nous nourrissions que d'écureuils noirs, mais leur maigre chair nous répugnait tant que nous ne pouvions la manger qu'avec un grand dégoût. Mais cette nourriture même commençait à manquer. Enfin, après les lacs, le gibier apparut et le pâturage devint meilleur. Nous rencontrâmes de nouveau des Indiens qui, cette fois et contre leur habitude, nous assaillirent en plein jour et en rase campagne. Dans la mêlée, je fus blessé à la tête d'un si fort coup de hachette que le soir, le sang que j'avais perdu me fit évanouir. Mais je ne me plaignais pas. Cette fois, Liliane me soignait, moi seul, et non des malades qui pouvaient l'infester du typhus. Je passai 3 jours entiers dans ma voiture, 3 jours heureux durant lesquels je pus baiser ses mains et la regarder pendant tout le temps qu'elle changeait mon pansement. Le 4e jour, j'aurais pu remonter à cheval, mais j'avais l'âme tellement lasse que je feignis de souffrir encore afin de rester plus longtemps près de Liliane. De fait, c'est seulement alors que je ressentis combien j'étais exténué. Je ressemblais à un squelette, et comme naguère je regardais ma chère femme, c'était elle maintenant qui m'observait avec inquiétude et chagrin. Mais rien à y faire. Ma tête avait cessé d'osciller de droite et de gauche, et il me fallait remonter sur l'unique cheval qui restait vivant, continuer à conduire la caravane, et la nécessité en devenait d'autant plus pressante que de tous côtés s'annonçaient de sinistres présages. La chaleur était devenue intolérable, l'air était saturé de buée, on eût dit la fumée d'un lointain incendie. L'horizon s'assombrit, le ciel se couvrit et le soleil devint rouge cuivre. Les bêtes montraient une étrange inquiétude. Leur souffle devint rauque et nous aussi, nous respirions un air incandescent. J'attribuais cela au vent suffocant venu du désert de Gil, dont j'avais entendu parler. Cependant, un calme plat régnait partout alentour. Pas un brin d'herbe, pas une feuille ne remuait. Le soir, le soleil se coucha rouge comme du sang, puis se fit une nuit pesante. Les malades réclamaient de l'eau, les chiens hurlaient, tandis que j'allais reconnaître à plusieurs milles à la ronde autour du campement si la prairie n'était pas en feu. Mais aucune trace d'incendie ne m'apparut. Convaincu qu'il s'agissait de fumée provenant d'un incendie déjà éteint, je me tranquillisais. Au matin, nous vîmes les lièvres, les antilopes, les bisons et jusqu'aux écureuils s'enfuir vers l'Orient, venant du côté de la Californie, vers laquelle nous allions nous-mêmes. Mais l'air était devenu plus pur, la chaleur moins accablante. Je me convainquis qu'il y avait bien eu un incendie, maintenant éteint, et que tous ces animaux s'en allaient à la recherche de nouveaux pâturages. Nous devions nous hâter, afin de savoir si nous pourrions franchir le terrain incendié ou s'il nous faudrait le contourner. Je calculais qu'il nous restait encore 300 000 Anglais, c'est-à-dire 20 jours de marche, pour arriver à la Sierra Nevada. À présent, nous voyagions de nuit, car nos attelages souffraient trop de la chaleur pendant le jour, et nos hommes trouvaient, pour se reposer, un peu d'ombre entre les chariots. Une nuit que, ne pouvant plus me tenir à cheval, j'étais assis à côté de Liliane, mon oreille perçut un étrange grincement, comme produit par une roue qui roulerait sur un sol bizarre. En même temps, dans tout le convoi, on entendit des cris « Halte ! Halte !» Je sautai vivement en bas de ma voiture, et la clarté de la lune, j'aperçus le conducteur penché vers la terre. Je me baissai à mon tour et posai la main sur du charbon. Nous roulions sur un sol incendié. La caravane s'arrêta et passa le reste de la nuit sur place. Au matin, le soleil offrit à nos regards un étrange tableau. Partout où pouvaient s'arrêter les yeux, se déroulait une immense étendue noire de charbon. Non seulement l'herbe et les arbres avaient été consumés, mais la terre semblait vitrifiée. Les sabots des mules et les roues s'y reflétaient comme dans une glace. Nous ne pouvions juger quelles avaient été les proportions de l'incendie. L'horizon était encore tout baigné de buée. Je donnai l'ordre de prendre immédiatement plus au sud afin de regagner la limite à laquelle s'était arrêté le feu. Je savais par expérience ce que c'était que de traverser une prairie calcinée où les animaux ne trouvent pas un brin d'herbe à brouter. Comme le feu avait évidemment gagné dans la direction du nord, je voulais prendre celle du sud. Mes hommes obéirent, bien qu'à contre-cœur, car c'était là dans notre route un nouveau retard, et Dieu sait de quelle durée. À l'halte, vers midi, la buée se dissipa et la chaleur devint si forte que l'atmosphère semblait frissonner et onduler. Puis soudain, comme sur un magique coup de baguette, la fumée s'évanouit totalement et à nos yeux apparut la Sierra Nevada, toute verte, toute souriante, merveilleuse avec ses sommets couronnés d'une neige étincelante et si proche qu'on pouvait à l'œil nu distinguer les crevasses des rochers, les réservoirs d'eau verdoyante et les forêts. Ils nous semblaient respirer leur souffle frais, l'odeur vivifiante des pins, et nous croyions pouvoir atteindre en quelques heures le pied de la montagne. À cette vue, nos hommes éreintés par le désert et par toutes les difficultés passées devinrent presque fous de joie. Les uns tombaient à terre en sanglotant, d'autres levaient les bras au ciel ou riaient aux éclats, ou bien demeuraient pâles et silencieux. Liliane et moi pleurions également de joie, mais celle-ci se changea bientôt pour moi en perplexité, car il me semblait que nous devions être encore à 150 000 au moins de la Californie. Cependant, par-delà l'espace charbonneux, les montagnes nous souriaient et semblaient se rapprocher comme par enchantement, s'incliner vers nous, nous attirer. Bien que le temps consacré au repos ne fût pas encore écoulé, personne ne voulait même entendre parler de prolonger la halte davantage. Les malades eux-mêmes sortaient hors des tentes leurs maigres bras jaunis et suppliaient qu'on attelât au plus vite pour se remettre en route. On reprit donc volontiers la marche, et cette fois, au grincement des roues sur la terre calcinée, se mêlaient les claquements des fouets et les chants. On ne parlait plus de contourner le terrain incendié. À quoi bon? À quelques milles plus loin, n'était-ce pas la Californie avec ses splendides montagnes neigeuses? On pointa donc droit devant soi. Mais de nouveau la buée nous voilait le spectacle réconfortant. Des heures s'écoulèrent, le champ de l'horizon se rétrécit de plus en plus. Le soleil se coucha, la nuit vint, et les étoiles scintillèrent. Nous avancions toujours. Sans nul doute, les montagnes étaient plus loin qu'il ne nous avait semblé. À minuit, les mules commencèrent à s'ébrouer et à s'arrêter. Une heure après, le convoi dut faire halte, car la plupart des bêtes étaient couchées à terre. Les hommes essayaient de les obliger à se relever, mais sans y réussir. De toute la nuit, personne ne put fermer les yeux. Aux premières heures du matin, nos regards fouillèrent avec avidité l'horizon. Il n'y avait plus rien. Seul le désert endeuillé, lugubre, s'étendait à perte de vue, coupé net à l'horizon par le ciel. Pas la moindre trace des montagnes d'hier. Mes hommes en demeurèrent comme pétrifiés. Quant à moi, le mot de mirage m'expliqua tout. La moelle se figea dans mes os. Que faire? Aller plus avant? Mais si cette terre brûlée s'était encore sur des centaines de milles? Revenir en arrière? Et si, à quelques milles plus loin, nous étions hors de ce cercle maudit? Je n'osais pas regarder jusqu'au fond de l'abîme où nous nous trouvions. Cependant, il fallait prendre un parti. Je montai à cheval, m'élançai en avant, et du monticule le plus proche, j'explorai du regard une étendue plus vaste. À l'aide d'une jumelle, j'aperçus dans le lointain une tache verdoyante qui n'était autre, je l'appris ensuite, qu'une mare d'eau autour de laquelle le feu n'avait pu consumer entièrement la végétation, mais par derrière continuait le terrain brûlé aussi loin que la vue pouvait s'étendre. Il ne nous restait qu'à rétrograder et à reprendre la direction précédente. Je m'approchai du convoi, mais personne ne voulait tenir compte de l'ordre que je donnais. On releva les mules et on repartit. À mes interpellations, on répondit, la tête basse. « Les montagnes sont là-bas, nous irons là-bas. » Je n'essayais même plus de m'y opposer, car je savais que nulle force humaine ne pouvait retenir ces gens. Peut-être eussé-je rebroussé chemin avec Liliane, mais ma charrette n'était plus là, et Liliane était assise dans celle de tante Atkins. On avança. La nuit vint, et avec elle, la halte forcée. En se levant, la lune rubescente éclaira la sinistre étendue. Le matin, une moitié des mules avait péri, et une partie seulement des chariots put se mettre en route. Tout le jour, le soleil darda ses rayons enflammés. Les charbons surchauffés embrasaient l'air. En route, Un des malades mourut dans d'horribles convulsions, et personne ne prit même le souci de l'enterrer. On le déposa à terre et on poursuivit son chemin. L'eau de la grande mare qu'on avait rencontrée la veille avait rafraîchi un instant hommes et bêtes, mais n'avait pu leur redonner les forces perdues. Durant 36 heures, les mules ne purent arracher un brin d'herbe et durent se nourrir d'un peu de paille qui bientôt manqua aussi. Nous jalonnions chaque mille de l'un de leurs cadavres et bientôt il n'en resta plus qu'une vivante. Je la pris de force pour Liliane. Les chariots et les ustensiles qui devaient nous servir pour nos travaux en Californie furent tous abandonnés dans ce désert à jamais maudit. Tous, sauf Liliane, marchaient à pied. Bientôt surgit un nouvel ennemi, la faim. Une partie de nos provisions était restée dans les voitures, et ce que chacun de nous avait pu emporter fut vite consommé. Pas un être vivant aux alentours. Seul, j'avais quelques biscuits et une tranche de viande salée. Je la réservais pour Liliane. J'étais prêt à déchirer par morceaux quiconque qui eût fait la moindre allusion. Je ne mangeais rien non plus, et la sinistre étendue noire se déroulait sans fin. Comme pour accroître notre supplice, vers midi apparaissait de nouveau le mirage qui se jouait de nous avec ses montagnes, ses gouts et ses lacs. Mais les nuits, oh les horribles nuits! Tous les rayons que dans le jour les charbons avaient dérobés au soleil, ils les restituaient la nuit pour brûler nos pieds, emplir de feu nos poumons. Durant une de ces nuits, un homme devint fou, s'assit à terre et laissa échapper un affreux ricanement. Longtemps son rire nous poursuivit dans les ténèbres. L'unique mule tomba sous les lianes. En un clin d'œil, les affamés l'eurent déchiré en morceaux. Mais qu'était-ce que cela pour 200 hommes? Un quatrième, un cinquième jour s'écoulèrent. Chacun avait maintenant un visage d'oiseau de proie et l'on se regardait avec haine. On savait que j'avais encore quelque nourriture, mais que me la demander c'eût été la mort, et l'instinct de la conservation dominait encore la faim. Je ne donnais à manger à Liliane que la nuit, pour ne provoquer aucune envie. Elle me suppliait de manger aussi, mais je l'avais prévenue que si elle insistait, je me brûlerais la cervelle. Elle mangeait et elle pleurait. Mais quand même, elle savait me dérober quelques miettes pour les donner à tante Atkins et à tante Grosse Vernor. Cependant, la faim torturait aussi mes entrailles. À la suite de ma blessure, ma tête en feu éclatait. Depuis 5 jours, je n'avais absorbé rien autre chose que de l'eau de la mare. La pensée que je portais sur moi de la viande et du pain, qu'ils étaient là, que je pouvais tout manger, me brûlait comme du poison. Blessé, je craignais de succomber à cette séduction. Seigneur, priai-je du fond de mon âme, ne me laisse pas devenir un fauve, ne permets pas que je mange ce qui doit lui conserver la vie à elle. Mais Dieu ne fut pas miséricordieux pour moi. Le matin du 6e jour, j'aperçus sur les joues de Liliane des taches de feu. Ses mains étaient brûlantes, un souffle bruyant s'exhalait de sa poitrine. Soudain, les yeux hagards, comme si elle craignait de perdre sa lucidité, elle me dit vivement « Ralph, laisse-moi ici et sauve-toi. Pour moi, il n'y a plus de salut. » Je serrai les dents. J'aurais voulu hurler et blasphémer. Je me contins et, silencieux, je la pris dans mes bras. Des zigzags de feu dansèrent devant mes yeux et se rassemblèrent pour former ces mots « Who worshipped and served the creature more than the creator ?» Mais je ne me laissais pas intimider et, regardant droit vers le ciel impitoyable, je répondis de toute mon âme indignée et en révolte « Moi !» Sur mon Golgotha, moi, je portais ma croix précieuse, mon unique, ma sainte, ma bien-aimée martyre. Je ne sais où je puisais des forces. J'étais devenu insensible à la faim, à la chaleur, à la fatigue. Je ne voyais rien devant moi, ni homme, ni terre calcinée. La nuit, son état empira. Elle s'évanouissait et gémissait seulement de temps à autre. « Ralph, de l'eau !» Et moi, au malheur, je n'avais à lui donner que de la viande salée et du biscuit. Dans un désespoir sauvage, je m'entaillai la main avec mon couteau afin de rafraîchir ses lèvres d'une goutte de mon sang. Mais revenue à elle, elle poussa un cri, tomba dans une syncope prolongée dont elle ne me paraissait plus devoir sortir. Cependant, elle remua, elle voulut parler, mais elle ne le put. La fièvre chaude embrouillait ses pensées. Néanmoins, elle finit par murmurer tout bas. « Ne te fâche pas, Ralph, je suis ta femme. » Muet, fou de désespoir, je la portais toujours. C'était le 7e jour. La Sierra Nevada apparut à l'horizon et quand se couchait le soleil, commença à s'éteindre aussi le soleil de ma vie. Je l'étendis sur le sol et tombai à genoux devant elle. Ses yeux grands ouverts, brillants, me fixaient. Un instant, une pensée s'alluma dans son esprit. Elle murmura « My dear, my husband ». Un frisson secoua son corps, son visage exprima la frayeur, et elle expira. J'arrachai le bandeau de ma blessure, je perdis connaissance, et je ne sais plus ce qui se passa ensuite. Je vis seulement, comme en un rêve, des hommes qui m'entouraient, prenaient mes armes, creusaient une fosse, puis ce fut l'obscurité, où je ne pouvais que lire en lettres de feu « Who worshipped and served the Creator more than the Creator ?» Un mois après, je retrouvais mes esprits en Californie, chez l'émigré Modzinski. Rassemblant quelque peu mes forces, je revins dans la Nevada, mais là-bas, la prairie s'était couverte à nouveau d'une herbe épaisse. Je ne pus retrouver sa tombe, et j'ignore où reposent ses cendres adorées. Quelle faute ai-je commise devant Dieu ? Pourquoi a-t-il détourné de moi sa face et m'a-t-il oublié dans ce désert ? Je l'ignore également. Si du moins je pouvais pleurer sur sa tombe, cela me soulagerait. Chaque année, je reviens visiter la Nevada, mais c'est toujours en vain. Plus d'une fois, mes lèvres ont murmuré « Que ta volonté soit faite ». Mais quand même, c'est un grand chagrin de vivre sans elle sur la terre. Je vis, je marche parmi les autres, je souris parfois, mais mon vieux cœur pleure et il aime. Il languit et il se souvient. Je suis vieux. Bientôt il me faudra me préparer pour un autre voyage, et ma seule prière est celle-ci, que là-bas, dans les prairies célestes, il me permette de retrouver mon angélique amie et de ne plus la quitter jamais. Ainsi s'achève une idylle dans la savane de Henryk Sienkiewicz.